Chez Service financier Jacqueline Doucet, notre mission est de vous aider à atteindre l'indépendance financière. Grâce à des stratégies personnalisées, nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et en assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et professionnelle, composez le 418-276-6170. Toute l'équipe de Service financier Jacqueline Doucet est fière d'acheter localement pour protéger nos emplois et notre économie. Amis golfeurs, votre marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités pour le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin pour vous. Régalez-vous aussi de nos exquises rosettes de saumon farci au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées et savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez Marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime, qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. On l'a retrouvé la semaine passée là, dans le cadre de la chronique de Martial Bouchard du club de golf de Saint-Prime. On disait que je disais à Martial que j'avais perdu Gilles Larouche, mais on l'a retrouvé. Salut Gilles! Gilles, étais-tu pris dans la gang de Luc Lavoie qui ont été libérés par la SQ? Parce que tu sais que la Presse Doc, qui est un site humoristique, titre un matin qu'il y a 16 séparatistes qui ont été retrouvés dans le sol de Luc Lavoie. Est-ce que tu étais un de ces 16-là pour qu'on te retrouve? OK, c'est pour ça. Okay. Gilles, on va parler, avant de parler du tournoi de fermeture, puis avant de parler de ce qui s'en vient, parce que j'ai fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, le club de golf de Saint-Prime a mis une croix sur l'obtention du club du tournoi junior de 2018. Or, c'est Chicoutimi qui l'ont pris, puis ils ont l'air d'être bien emballés, puis ils ont des plans, ils ont des projets, puis ils parlent de retombées économiques, mais sachant que c'était vous autres qui avez espéré d'avoir ça, est-ce que tu as un regret? Je voyais ça, puis j'ai dit, mon Dieu, ça aurait été bon Saint-Prime si c'est si dynamique que ça. Monsieur Kertness, on a fait la demande pour l'avoir au club de golf Saint-Prime. On nous a fait une fleur, on nous l'a octroyé, mais malheureusement, avec 100 membres et au niveau bénévolat, on sait que ça demande un volume assez important au niveau des bénévoles. Et considérant également que on a beaucoup travaillé dans les dernières années à configurer, à sauver le club. Alors, c'est toujours les mêmes bénévoles. Et on sentait, à ce moment-ci, un épuisement. Alors, le conseil d'administration a pris la décision de dire à Chicoutimi, à Golf Québec, ça va nous être impossible d'avoir d'organiser le tournoi. Et Chicoutimi a repris l'événement. OK, mais je ne sais pas si tu as lu l'article dans le quotidien, ça avait l'air d'être une bonne chose pour Chicoutimi. Est-ce qu'ils sont très enthousiastes ou c'est vraiment ça, les retombées? On parlait de retombées qui sont importantes, puis on parlait d'ainsi de suite. Est-ce que c'est vraiment c'est ça que ça a l'air? Il y a des retombées. OK. Oui, il y a des retombées, c'est évident, parce que, entre autres, les parents se déplacent. Il y a des spectateurs. C'est des chambres d'hôtel, les restos. Oui, c'est au niveau économique, c'est important, sauf que notre contexte nous a forcé à prendre cette décision-là. Là, j'ai quelque chose d'intéressant à te proposer. Mackenzie Tour, tu sais, c'est quoi ce circuit-là que donc Pierre-Alexandre Bédard en fait partie, là, puis il y a même Lucas Dupéry de Dolbeau, nommez-le à Saint-Prime, parce que vous êtes très dynamique pour vous chercher des idées, c'est-tu pensable? Bien, ça faisait partie du plan initial. La première étape, c'était d'avoir le tournoi provincial junior. OK. La deuxième phase, un tournoi au niveau soit amateur ou professionnel. Alors oui, c'est toujours dans les perspectives, mais je te dirais qu'actuellement, il faut que nos gens reprennent leur souffle, qu'ils profitent un peu du terrain avant de revenir avec ce plan-là. Donc, Gilles, 2019-2020, c'est-tu pensable? C'est toujours pensable, Dany, dans le sens que nous, on a un plan de visibilité. On sait qu'on part de loin, on a gravi des échelons. Et ce genre d'événement-là, c'est une tribune incroyable là, sur le plan provincial et même canadien. Alors, l'hiver prochain, lors du lac à l'épaule, c'est clair qu'on va devoir rafraîchir, si on veut, ou actualiser notre plan de visibilité. Et c'est des éléments qu'on va sûrement considérer. OK. Là, tu veux me parler du tournoi de fermeture. En fin de semaine, il annonce vraiment là, du beau temps, l'été des Indiens, puis il y a le tournoi de fermeture. Oui, puis d'ailleurs, Danny, je me permets une petite parenthèse parce que hier, j'ai eu les chiffres au niveau budgétaire en parlant de température depuis le mois de septembre. Disons que les températures sont extraordinaires. Et à le mois de septembre 2017 va sûrement être une année, un mois record parmi tous les mois de septembre. Oh. Ça a été, l'achalandage a été, c'était incroyable. Okay. Et même si on avait eu un léger retard par rapport aux températures du mois de mai et juin, septembre est très, très, très bon, puis le début du mois d'octobre également. Alors, dans la continuité de tout ça, cette année, on avait pris la décision de retarder le tournoi de fermeture pour étirer le maximum de la saison. Et c'est samedi que ça va avoir lieu. Déjà, il y a environ 80 joueurs qui sont inscrits. On s'attend peut-être à une centaine de personnes. Alors, ça va être la fête du golf 2017 pour le club de golf Saint-Prime et ça va être une très belle activité. Ouais, oui, effectivement. Si on parlait maintenant du côté de... on parle de comment l'achalandage? Ben, l'achalandage, ça va être environ 100 joueurs. De plus? C'est très bon là, pour un... Okay. Non, total. Normalement, là, nous ici, là, les tournois de fermeture, c'est environ 60 personnes. On fait du recrutement, mais il y a des groupes qui s'inscrivent. Puis c'est clair que la température, on annonce soleil, 15 degrés, ça va sûrement être une très belle journée, d'automne. Ah, effectivement. Mais j'ai envie de chercher l'endage. C'est quoi, 10% d'augmentation au mois de septembre, d'augmentation comparativement aux autres années? Si je compare à 2016, je dirais 100%. Aïe aïe! Mais il y avait un contexte en 2016, c'est qu'on avait fermé un œuf parce qu'on devait finaliser notre reconfiguration. Et la température a été, une température d'automne régulière, mais cette année, c'est 100% d'augmentation versus 2016 et tout près de 80% 2015. Alors, c'est pratiquement, c'est plus que un mois de juin régulier. Aïe, aïe. Puis comme on dit qu'au mois de septembre, c'est ça, j'ai toujours dit ça, au mois de septembre, c'est correct, mais ça donne pas... je veux dire, au mois de septembre, c'est pas la même affaire qu'au mois de mai. Hein. La bonne température, la belle température, ça donne le ton. Mais là, vous allez vous rattraper quelque part, là. Mais on va se rattraper, puis d'autant plus que quand on arrive à ces périodes-ci, c'est les mois de chasse. Comme tu mentionnes, le mois de mai, c'est un mois qui est effervescent. On vient de passer à travers l'hiver, ça a été pénible. Les gens ont hâte de jouer au golf, même si les terrains sont pas très beaux. Mais à ce moment-ci, on arrive à la fin de la saison, le terrain est à son summum. Je dirais les verts sont magnifiques, les allées sont fournies. Les conditions de golf du mois de septembre, octobre sont vraiment magnifiques et même, je profite de l'occasion, venez nous visiter. Actuellement, c'est 20$ pour jouer. Vous pouvez jouer de façon illimitée sur un parcours vraiment de championnat d'une qualité incroyable. Effectivement. T'as-tu d'autres choses à ajouter, Gilles, en terminant? Pour l'instant, Danny, ça fait le tour pour cette semaine. OK, donc on se reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, probablement la dernière chronique. Donc on rappelle que cette chronique est une commandite de l'épicerie Florent Lachance de Saint-Prime.